rahmetler. Je suis désolé, je fais mon chemin seul. Non, j'ai pas changé, j'ai pris ma gueule. J't'ai compris mais j't'ai pas pardonné. Dans le fond pourtant je te connais. Désolé j'ai déjà tout donné. Toujours rien à faire à toi on pardonne. Trop qui parle pour rien frère, oh oui ça m'agace. Trop qui parle pour rien frère, trop de chaînes de la classe. Quand je te parle tu sincère, trop de faux médicaces. Des grosses dans le Tinder, laissez-moi chier ailleurs. J'ai fait comme j'ai pu et comme je l'ai voulu. À force de taper avec le temps on évolue. Mais le son à fond, vas-y monte le volume. Et toi petit fils d'arrête m'appeler un inconnu. Procure, trop simple, c'est comme je les aime. XXZ, prom prom que ça fait des bisettes. On se bute un couteau du mais on n'est pas du genre à aller se plaindre. Je suis désolé, je fais mon chemin seul. Non j'ai pas changé, t'as vu ma gueule. Je suis désolé, je fais mon chemin seul. Non j'ai pas changé, t'as vu ma gueule. Vite vite vite bata, vite vite vite bata. Pour variété, moi je mélange les deux. Combien de pétés de jaloux selon toi? Il me lèche, je suis pas encore au sommet. Si tu savais ce que j'étais prêt à faire pour toi, je veux passer pour moi, mais d'où viennent ces infos, mec? Je suis pas ton frérot, tu me parles que par intérêt. J'ai l'air calme, tu me prends pour un béro. Dans pas longtemps, tu vas me faire serrer. La musique m'a charmé, je suis fou d'elle. Je la partage un peu avec ma bouteille. Pas trop Philippe, pas trop le boutin. Y'a pas à manger, je partage mon bout de pain. J'ai dû mes larmes au volant, je vois trouble. Comme une impression qu'on me suit à la loupe. J'ai un plan, ils veulent te niquer ton cou. Quand ils sont la tête, ils veulent te niquer ton couple. J'ai fixé la lune, à deux doigts de parler seul. Mon pet s'éteint, je rallume. Il suffisait d'une étincelle. Je suis désolé, je fais mon chemin seul. Non, j'ai pas changé, j'ai plus ma gueule.